Chapitre 22. Dans le cabanon des Tulettes, il faisait nuit noire. Un souffle glacial tira Mouret de la stupeur cataleptique où l'avait jeté la crise de la soirée. Accroupi contre le mur, il resta un moment immobile, les yeux ouverts, roulant doucement la tête sur le froid de la pierre, geignant comme un enfant qui s'éveille. Mais il avait les jambes coupées par un courant d'air si humide qu'il se leva et regarda. En face de lui, il aperçut la porte du cabanon grande ouverte. « Elle a laissé la porte ouverte !» dit le fou à voix haute. « Elle doit m'attendre. Il faut que je parte. » Il sortit, revint en tâtant ses vêtements de l'air minutieux d'un homme rangé qui craint d'oublier quelque chose. Puis il referma la porte, soigneusement. Il traversa la première cour, de son petit pas tranquille de bourgeois flâneur. Comme il entrait dans la seconde, il vit un gardien qui semblait guetter. Il s'arrêta, se consulta un moment. Mais le gardien ayant disparu, il se trouva à l'autre bout de la cour, devant une nouvelle porte ouverte donnant sur la campagne. Il la referma derrière lui, sans s'étonner, sans se presser. « C'est une bonne femme tout de même, » murmura-t-il. « Elle aura entendu que je l'appelais. Il doit être tard. Je vais rentrer pour qu'il ne soit pas inquiet à la maison. » Il prit un chemin. Cela lui semblait naturel d'être en plein champ. Au bout de 100 pas, il oublia les Tulettes derrière lui. Il s'imagina qu'il venait de chez un vigneron auquel il avait acheté 50 000 rôles de vin. Comme il arrivait à un carrefour où se croisaient 5 routes, il reconnut le pays. Il se mit à rire en disant « Que je suis bête! J'allais monter sur le plateau du côté de Sainte-Trope. C'est à gauche que je dois prendre. Dans une bonne heure et demie, je serai à Plassans. » Alors, il suivit la grande route, gaillardement, regardant comme une vieille connaissance chaque borne kilométrique. Il s'arrêtait devant certains champs, devant certaines maisons de campagne, d'un air d'intérêt. Le ciel était couleur de cendre, avec de grandes traînées rosâtres, éclairant la nuit d'un pâle reflet de brasier agonisant. De fortes gouttes commençaient à tomber. Le vent soufflait de l'est, trempé de pluie. « Diable, il ne faut pas que je m'amuse !» dit Mouret en examinant le ciel avec inquiétude. Le vent est à l'est, il va en tomber une jolie décoction. Jamais je n'aurai le temps d'arriver à Plassans avant la pluie. Avec ça, je suis peu couvert. » Et il ramena sur sa poitrine la veste de grosse laine grise qu'il avait mise en lambeaux aux Tulettes. Il avait à la mâchoire une profonde meurtrissure à laquelle il portait la main sans se rendre compte de la vive douleur qu'il éprouvait là. La grande route était déserte. Il ne rencontra qu'une charrette descendant une côte d'une allure paresseuse. Le charretier, qui dormait, ne répondit pas au bonsoir amical qu'il lui jeta. Ce fut au pont de la Viorne que la pluie le surprit. L'eau lui étant très désagréable, il descendit sous le pont se mettre à l'abri, en grondant que c'était insupportable, que rien n'abîmait les vêtements comme cela. S'il avait su, il aurait emporté un parapluie. Il patienta une bonne demi-heure, s'amusant à écouter le ruissellement de l'eau. Puis, quand l'averse fut passée, il remonta sur la route. Il entra enfin à Plassans. Il mettait un soin extrême à éviter les flaques de boue. Il était alors près de minuit. Mouret calculait que 8 heures ne devaient pas encore avoir sonné. Il traversa les rues vides, tout à l'ennui d'avoir fait attendre sa femme si longtemps. Elle ne doit plus savoir ce que cela veut dire, pensait-il. Le dîner sera froid. Ah bien, c'est Rose qui va joliment me recevoir. Il était arrivé rue Balland. Il se tenait debout devant sa porte. Tiens, dit-il, je n'ai pas mon passe-partout. Cependant, il ne frappait pas. La fenêtre de la cuisine restait sombre. Les autres fenêtres de la façade semblaient également mortes. Une grande défiance s'empara du fou. Avec un instinct tout animal, il flaira un danger. Il recula dans l'ombre des maisons voisines, examina encore la façade. Puis il lui parut prendre un parti. Il fit le tour par l'impasse des Chevillottes. Mais la petite porte du jardin était fermée au verrou. Alors, avec une force prodigieuse, emporté par une rage brusque, il se jeta dans cette porte, qui se fendit en deux, rongée d'humidité. La violence du choc le laissa étourdi, ne sachant plus pourquoi il venait de briser la porte, qu'il essayait de raccommoder en rapprochant les morceaux. Voilà un beau coup lorsqu'il était si facile de frapper, murmura-t-il avec un regret subi. Une porte neuve me coûtera au moins 30 francs. Il était dans le jardin. Ayant levé la tête, apercevant au premier étage la chambre à coucher vivement éclairée, il crut que sa femme se mettait au lit. Cela lui causa un grand étonnement. Sans doute il avait dormi sous le pont en attendant la fin de l'averse. Il devait être très tard. En effet, les fenêtres voisines, celles de M. Rastoil, aussi bien que celles de la sous-préfecture, étaient noires. Et il ramenait les yeux lorsqu'il vit une lueur de lampe au second étage, derrière les rideaux épais de l'abbé Faujas. Ce fut comme un œil flamboyant, allumé au front de la façade, qui le brûlait. Il se serra les tempes entre ses mains brûlantes, la tête perdue, roulant dans un souvenir abominable, dans un cauchemar évanoui, où rien de net ne se formait, où s'agitait, pour lui et les siens, la menace d'un péril ancien, grandi lentement, devenu terrible, au fond duquel la maison allait s'engloutir s'il ne la sauvait. « Marthe, Marthe, où es-tu ? » balbutia-t-il à demi-voix. « Viens, emmène les enfants !» Il chercha Marthe dans le jardin, mais il ne reconnaissait plus le jardin. Il lui semblait plus grand, et vide, et gris, et pareil à un cimetière. Les buis avaient disparu, les laitues n'étaient plus là. Les arbres fruitiers semblaient avoir marché. Il revint sur ses pas, se mit à genoux pour voir si ce n'étaient pas les limaces qui avaient tout mangé. Les buis surtout. La mort de cette haute verdure lui serrait le cœur, comme la mort d'un coin vivant de la maison. Qui donc avait tué les buis? Quel faux avait passé là, rasant tout, bouleversant jusqu'aux touffes de violettes qu'il avait plantées au pied de la terrasse? Un sourd grondement montait en lui, en face de cette ruine. « Marthe, Marthe, où es-tu » appelait-il de nouveau. Il la chercha dans la petite serre, à droite de la terrasse. La petite serre était encombrée des cadavres séchés des grands buis. Ils s'empilaient, en fascine, au milieu de tronçons d'arbres fruitiers, épars comme des membres coupés. Dans un coin, la cage qui avait servi aux oiseaux de désirer pendait à un clou lamentable, la porte crevée, avec des bouts de fil de fer qui se hérissaient. Le fou recula, pris de peur, comme s'il avait ouvert la porte d'un caveau. Bégayant, le sang à la gorge, il monta sur la terrasse, rôda devant la porte et les fenêtres closes. La colère qui grandissait en lui donnait à ses membres une souplesse de bête. Il se ramassait, marchait sans bruit, cherchait une fissure. Un soupirail de la cave lui suffit. Il s'amincit, se glissa avec une habileté de chat et gratignant le mur de ses ongles. Enfin, il était dans la maison. La cave ne fermait qu'au loquet. Il s'avança au milieu des ténèbres épaisses du vestibule, tâtant les murs, poussant la porte de la cuisine. Les allumettes étaient à gauche, sur une planche. Il alla droit à cette planche, frotta une allumette, s'éclaira pour prendre une lampe sur le manteau de la cheminée sans rien casser. Puis il regarda. Il devait y avoir eu le soir quelques gros repas. La cuisine était dans un désordre de bombance. Les assiettes, les plats, les versales encombraient la table. Une débandade de casseroles, tièdes encore, traînait sur l'évier, sur les chaises, sur le carreau. Une cafetière, oubliée au bord d'un fourneau allumé, bouillait, le ventre roulait en avant comme une personne saoule. Mouret redressa la cafetière, rangea les casseroles, il les sentait, flairait les restes de liqueur dans les verres, comptait les plats et les assiettes, avec un grondement plus irrité. Ce n'était pas sa cuisine propre et froide de commerçant retiré. On avait gâché là la nourriture de toute une auberge. Cette malpropreté goulue suait l'indigestion. « Marthe, Marthe !» reprit-il en revenant dans le vestibule, la lampe à la main. « Réponds-moi, dis-moi où ils t'ont enfermé. Il faut partir, partir tout de suite !» Il la chercha dans la salle à manger. Les deux armoires, à droite et à gauche du poêle, étaient ouvertes. Au bord d'une planche, un sac de papier gris, crevé, laissait couler des morceaux de sucre jusque sur le plancher. Plus haut, il aperçut une bouteille de cognac sans goulot, bouchée avec un tampon de linge. Et il monta sur une chaise pour visiter les armoires. Elles étaient à moitié vides. Les bocaux de fruits à l'eau-de-vie, tous entamés à la fois. Les pots de confiture ouverts et sucés. Les fruits mordus, les provisions de toutes sortes rongées, sales comme par le passage d'une armée de rats. Ne trouvant pas Marthe dans les armoires, il regarda partout, derrière les rideaux, sous la table. Des os y roulaient parmi des mises de pain gâchées. Sur la toile cirée, les culs des vers avaient laissé des ronds de sirop. Alors, il traversa le corridor, il la chercha dans le salon. Mais, dès le seuil, il s'arrêta. Il n'était plus chez lui. Le papier mauve clair du salon, le tapis à fleurs rouges, les nouveaux fauteuils recouverts de damas cerises, l'étonnèrent profondément. Il craignit d'entrer chez un autre. Il referma la porte. « Marthe ! Marthe ! » bégaya-t-il encore avec désespoir. Il était revenu au milieu du vestibule, réfléchissant, ne pouvant apaiser ce souffle rauque qui s'enflait dans sa gorge. Mais où se trouvait-il donc qu'il ne reconnaissait aucune pièce ? Qui donc lui avait ainsi changé sa maison ? Et les souvenirs se noyaient. Il ne voyait que des ombres se glisser le long du corridor. Deux ombres noires d'abord, pauvres, polies, s'effaçant. Puis deux ombres grises et louches qui ricanaient. Il leva la lampe dont la mèche s'effarait. Les ombres grandissaient, s'allongeaient contre les murs, montaient dans la cage de l'escalier, emplissaient, dévoraient la maison entière. Quelle cordure mauvaise, quelque ferment de décomposition introduit là, avait pourri les boiseries, rouillé le fer, fendu les murailles. Alors, il entendit la maison s'émietter, comme un plâtras tombé de moisissure, se fondre comme un morceau de sel jeté dans une eau tiède. En haut, des rires clairs sonnaient, qui lui hérissaient le poil. Posant la lampe à terre, il monta pour chercher Marthe. Il monta à quatre pattes, sans bruit, avec une légèreté et une douceur de loup. Quand il fut sur le palier du premier étage, il s'accroupit devant la porte de la chambre à coucher. Une raie de lumière passait sous la porte. Marthe devait se mettre au lit. « Ah bien !» dit la voix d'Olympe. « Il est joliment bon, leur lit. Vois donc comme on enfonce, Honoré. J'ai de la plume jusqu'aux yeux. » Elle riait. Elle s'étalait, sautait au milieu des couvertures. « Veux-tu que je te dise ? » reprit-elle. « Eh bien, depuis que je suis ici, j'ai envie de coucher dans ce dodo-là. C'était une maladie, quoi. Je ne pouvais pas voir cette bringue de propriétaire se carrer là-dedans sans avoir une envie furieuse de la jeter par terre pour me mettre à sa place. C'est qu'on a chaud tout de suite. Il me semble que je suis dans du coton. » Trouche, qui n'était pas couchée, remuait les flacons de la toilette. « Elle a toutes sortes d'odeurs, » murmurait-il. « Tiens, » continua Olympe, « puisqu'elle n'y est pas, nous pouvons bien nous payer la belle chambre. Il n'y a pas de danger qu'elle vienne nous déranger. J'ai poussé les verrous. Tu vas prendre froid, Honoré. » Il ouvrait les tiroirs de la commode, fouillait dans le linge. « Mais donc cela, » dit-il en jetant une chemise de nuit à Olympe, « c'est pleine de dentelle. J'ai toujours rêvé de coucher avec une femme qui aurait de la dentelle. Moi, je vais prendre ce foulard rouge. Est-ce que tu as changé les draps ?»« Ma foi, non, » répondit-elle, « je n'y ai pas pensé. Ils sont encore propres. » Elle est très soigneuse de sa personne. Elle ne me dégoûte pas. » Et comme Trouche se couchait enfin, elle lui cria « Apporte les grogs sur la table de nuit. Nous n'allons pas nous relever pour les boire à l'autre bout de la chambre. Là, mon gros chéri, nous sommes comme de vrais propriétaires. » Ils s'étaient allongés côte à côte, l'édredon au menton, cuisant dans une chaleur douce. « J'ai bien mangé ce soir, » murmura Trouche au bout d'un silence. « Et bien bu !» ajouta Olympe en riant. « Moi, je suis très chic. Je vois tout tourner. Ce qui est embêtant, c'est que maman est toujours sur notre dos. Aujourd'hui, elle a été assommante. Je ne puis plus faire un pas dans la maison. Ce n'est pas la peine que la propriétaire s'en aille si maman reste ici à faire gendarme. » Ça m'a gâté ma journée. Est-ce que l'abbé ne songe pas à s'en aller ? Demanda Trouche, après un nouveau silence. Si on le nomme évêque, il faudra bien qu'il nous lâche la maison. On ne sait pas, répondit-elle de méchante humeur. Maman pense peut-être à la garder. On serait si bien tout seul. Je ferai coucher la propriétaire dans la chambre de mon frère en haut. Je lui dirai qu'elle est plus saine. « Passe-moi donc le verre, Honoré. » Ils burent tous les deux. Ils se renfoncèrent sous les couvertures. « Bah !» reprit Trouche. « Ce ne serait pas facile de les faire déguerpir. Mais on pourrait toujours essayer. Je crois que l'abbé aurait déjà changé de logement s'il ne craignait que la propriétaire fît un scandale en se voyant lâchée. J'ai envie de travailler la propriétaire. Je lui conterai des histoires pour les faire flanquer à la porte. » Il but de nouveau. « Si je lui faisais la cour, hein, ma chérie ? » dit-il plus bas. « Ah non !» s'écria Olympe, qui se mit à rire comme si on la chatouillait. « Tu es trop vieux, tu n'es pas assez beau. Ça me serait bien égal, mais elle ne voudrait pas de toi, c'est sûr. Laisse-moi faire, je lui montrerai la tête. C'est moi qui donnerai congé à maman et à Ovid, puisqu'ils sont si peu gentils avec nous. » « D'ailleurs, si tu ne réussis pas, murmura-t-il, j'irai dire partout qu'on a trouvé l'abbé couché avec la propriétaire. Cela fera un tel bruit qu'il sera bien forcé de déménager. » Olympe s'était assise sur son séant. Tiens, dit-elle, mais c'est une bonne idée, ça. Dès demain, il faut commencer. Avant un mois, la cambuse est à nous. Je vais t'embrasser pour la peine. » Cela les égaya beaucoup. Ils dirent comment ils arrangeraient la chambre. Ils changeraient la commode de place, ils montraient deux fauteuils du salon. Leur langue s'embarrassait de plus en plus. Un silence se fit. « Allons bon, te voilà parti, » bégaya Olympe. « Tu ronfles les yeux ouverts. Laisse-moi me mettre sur le devant. Au moins, je finirai mon roman. Je n'ai pas sommeil, moi. » Elle se leva, le roula comme une masse vers la ruelle et se mit à lire. Mais dès la première page, elle tourna la tête avec inquiétude du côté de la porte. Elle croyait entendre un singulier grondement dans le corridor. Puis elle se fâcha. « Tu sais bien que je n'aime pas ces plaisanteries-là, » dit-elle en donnant un coup de coude à son mari. « Ne fais pas le loup. On dirait qu'il y a un loup à la porte. Continue si ça t'amuse. Va, tu es bien agaçant. » Et elle se replongea dans son roman, furieuse, après avoir sucé la tranche de citron de son grog. Mouret, de son allure souple, quitta la porte où il était resté blotti. Il monta au second étage, s'agenouillait devant la chambre de l'abbé Faujas, se haussant jusqu'au trou de la serrure. Il étouffait le nom de Marthe dans sa gorge, l'œil ardent, fouillant les coins de la chambre, s'assurant qu'on ne la cachait point là. La grande pièce nue était pleine d'ombre. Une petite lampe posée au bord de la table laissait tomber sur le carreau un rond étroit de clarté. Le prêtre, qui écrivait, ne faisait lui-même qu'une tache noire au milieu de cette lueur jaune. Après avoir cherché derrière la commode, derrière les rideaux, Mouret s'était arrêté au lit de fer, sur lequel le chapeau du prêtre étalait comme une chevelure de femme. Marthe, sans doute, était dans le lit. Les trouches l'avaient dit, elle couchait là maintenant. Mais il vit le lit froid, au drap bien tiré, qui ressemblait à une pierre tombale. Il s'habituait à l'ombre. L'abbé Faujas dut entendre quelques bruits, car il regarda la porte. Lorsque le fou aperçut le visage calme du prêtre, ses yeux rougirent. Une légère écume parut au coin de ses lèvres. Il retint un hurlement. Il s'en alla à quatre pattes par l'escalier, par les corridors, répétant à voix basse « Marthe ! Marthe !» Il la chercha dans toute la maison, dans la chambre de Rose qu'il trouva vide, dans le logement des Trouches, empli du déménagement des autres pièces, dans les anciennes chambres des enfants, où il sanglota en rencontrant sous sa main une paire de petites bottines éculées que Désiré avait portées. Il montait, descendait, s'accrochait à la rampe, se glissait le long des murs, faisait le tour des pièces à tâtons, sans se cogner, avec son agilité extraordinaire de fou prudent. Bientôt, il n'y eut pas un coin, de la cave au grenier, qu'il n'eût flairé. Marthe n'était pas dans la maison, les enfants non plus, Rose non plus. La maison était vide, la maison pouvait crouler. Mouret s'assit sur une marche de l'escalier, entre le premier et le second étage. Il étouffait ce souffle puissant qui, malgré lui, gonflait sa poitrine. Il attendait, les mains croisées, le dos appuyé à la rampe, les yeux ouverts dans la nuit. Tout à l'idée fixe qu'il mûrissait patiemment. Ses sens prenaient une finesse telle qu'il surprenait les plus petits bruits de la maison. En bas, Trouche ronflait. Olympe tournait les pages de son roman avec le léger froissement du doigt contre le papier. Au second étage, la plume de l'abbé Faujas avait un bruissement de pattes d'insectes. Tandis que, dans la chambre voisine, Madame Faujas, endormie, semblait accompagner cette aigre musique de sa respiration forte. Mouret passa une heure, les oreilles aux aguets. Ce fut Olympe qui succomba la première au sommeil. Il entendit le roman tomber sur le tapis. Puis l'abbé Faujas posa sa plume, se déshabilla avec des frôlements discrets de pantoufles. Les vêtements glissaient mollement. Le lit ne craqua même pas. Toute la maison était couchée. Mais le fou sentait, à l'haleine trop grêle de l'abbé, qu'il ne dormait pas. Peu à peu, cette haleine grossit. Toute la maison dormait. Mouret attendit encore une demi-heure. Il écoutait toujours avec un grand soin, comme s'il eût entendu les quatre personnes couchées là, descendre d'un pas de plus en plus lourd dans l'engourdissement du profond sommeil. La maison, écrasée dans les ténèbres, s'abandonnait. Alors, il se leva, gagna lentement le vestibule. Il grondait. Marthe n'y est plus. La maison n'y est plus. Rien n'y est plus. Il ouvrit la porte donnant sur le jardin. Il descendit à la petite serre. Là, il déménagea méthodiquement les grands buis séchés. Il en emportait des brassées énormes qu'il montait, qu'il empilait devant les portes des Trouches et des Faujas. Comme il était pris d'un besoin de grande clarté, il alla allumer dans la cuisine toutes les lampes qu'il revint poser sur les tables des pièces, sur les paliers de l'escalier, le long des corridors. Puis il transporta le reste des fascines de buis. L'étage s'élevait plus haut que les portes. Mais, en faisant un dernier voyage, il aperçut les fenêtres. Alors, il retourna chercher les arbres fruitiers et dressa un bûcher sous les fenêtres, en ménageant fort habilement les courants d'air pour que la flamme fût belle. Le bûcher lui parut petit. « Il n'y a plus rien, » répétait-il. « Il faut qu'il n'y ait plus rien. » Il se souvint. Il descendit à la cave, recommença ses voyages. Maintenant, il remontait la provision de chauffage pour l'hiver, le charbon, les sarments, le bois. Le bûcher sous les fenêtres grandissait. À chaque paquet de sarments qu'il rangeait proprement, il était secoué d'une satisfaction plus vive. Il distribua ensuite le combustible dans les pièces du rez-de-chaussée, en laissa un tas dans le vestibule, un autre dans la cuisine. Il finit par renverser les meubles, par les pousser sur les tas. Une heure lui avait suffi pour cette rude besogne. Sans souliers, courant les bras chargés, il s'était glissé partout, avait tout charrié avec une telle adresse qu'il n'avait pas laissé tomber une seule bûche trop rudement. Il semblait doué d'une vie nouvelle, d'une logique de mouvement extraordinaire. Il était, dans l'idée fixe, très fort, très intelligent. Quand tout fut prêt, il jouit un instant de son œuvre. Il allait de tas en tas, se plaisait à la forme carrée des bûchers, faisait le tour de chacun d'eux, en frappant doucement dans ses mains d'un air de satisfaction extrême. Quelques morceaux de charbon étant tombés le long de l'escalier, il courut chercher un balai, enleva proprement la poussière noire des marches. Il acheva ainsi son inspection en bourgeois soigneux qui entend faire les choses comme elles doivent être faites, d'une façon réfléchie. La jouissance l'effarait peu à peu. Il se courbait, se retrouvait à quatre pattes, courant sur les mains, soufflant plus fort, avec un ronflement de joie terrible. Alors, il prit un sarment, il alluma l'étain. Il commença par l'état de la terrasse, sous les fenêtres. D'un bond, il rentra, enflamma l'état du salon et de la salle à manger, de la cuisine et du vestibule. Puis il sauta d'étage en étage, jetant les débris embrasés de son sarment sur les tas barrant les portes des Trouches et des Faujas. Une fureur croissante le secouait. La grande clarté de l'incendie achevait de l'affoler. Il descendit à deux reprises avec des sauts prodigieux, tournant sur lui-même, traversant l'épaisse fumée, activant de son souffle les brasiers, dans lesquels il rejetait des poignées de charbons ardents. La vue des flammes s'écrasant déjà au plafond des pièces le faisait asseoir par moments sur le derrière, riant, applaudissant de toute la force de ses mains. Cependant, la maison ronflait comme un poêle trop bourré. L'incendie éclatait sur tous les points à la fois, avec une violence qui fendait les planchers. Le fou remonta au milieu des nappes de feu, les cheveux grillés, les vêtements noircis. Il se posta au second étage, accroupi sur les poings, avançant sa tête grondante de bête. Il gardait le passage. Il ne quittait pas du regard la porte du prêtre. « Ovide ! Ovide ! » appela une voix terrible. Au fond du corridor, la porte de Madame Faujas s'étant brusquement ouverte, la flamme s'engouffra dans la chambre avec le roulement d'une tempête. La vieille femme parut au milieu du feu. Les mains en avant, elle écarta les fascines qui flambaient, sauta dans le corridor, rejeta à coups de pied, à coups de poing, les tisons qui masquaient la porte de son fils, qu'elle continuait à appeler désespérément. Le fou s'était aplati davantage, les yeux ardents, se plaignant toujours. « Attends-moi ! Ne descends pas par la fenêtre » criait-elle en frappant à la porte. Elle dut l'enfoncer. La porte qui brûlait céda facilement. Elle reparut, tenant son fils entre les bras. Il avait pris le temps de mettre sa soutane. Il étouffait, suffoqué par la fumée. « Écoute, Ovide, je vais t'emporter !» dit-elle avec une rudesse énergique. « Tiens-toi bien à mes épaules, cramponne-toi à mes cheveux, si tu te sens glisser. Va, j'irai jusqu'au bout. » Elle le chargea sur ses épaules comme un enfant. Et cette mère sublime, cette vieille paysanne, dévouée jusqu'à la mort, ne chancela point sous le poids écrasant de ce grand corps évanoui qui s'abandonnait. Elle éteignait les charbons sous ses pieds nus, s'ouvrait un passage en repoussant les flammes de sa main ouverte, pour que son fils n'en fût pas même effleuré. Mais, au moment où elle allait descendre, le fou qu'elle n'avait pas vu sauta sur l'abbé Faujas, qui lui arracha des épaules. Sa plainte lugubre s'achevait dans un hurlement, tandis qu'une crise le tordait au bord de l'escalier. Il meurtrissait le prêtre, l'égratignait, l'étranglait. « Marthe ! Marthe ! » cria-t-il. Et il roula avec le corps le long des marches embrasées. Pendant que Madame Faujas, qui lui avait enfoncé les dents en pleine gorge, buvait son sang. Les trouches flambaient dans leur ivresse, sans un soupir. La maison, dévastée, et minée s'abattait au milieu d'une poussière d'étincelles.